police. Violence policière, ma plainte n'aboutit à rien, et en plus, je risque toujours de me retrouver un jour devant le tribunal pour outrage à agent, pour rébellion. Là, pareil, coup de pied dans le visage, coup de pied dans les côtes, coup de pied dans le dos, coup de pied dans les jambes. Ensuite, après les coups à la mâchoire, il m'a piétiné le visage et mis les menottes. On se fait tabasser, on se fait crier, etc. Ma lèvre ouverte en deux, quatre dents en moins et ouvert à la gorge. Et on entre dans le commissariat, l'entrée du commissariat, c'est pareil, on se fait des violences. Et puis des coups qui partent. Des coups qui partent, des coups qui partent, des coups qui partent. Et là, non seulement tu mets des coups, non seulement tu m'en gardes à vue, mais en plus tu payes pour qu'ils te mettent des coups et en gardes à vue, pour qu'ils se défoutent sur toi. Pour être clair, vous avez été condamné à payer des dommages et intérêts aux policiers qui m'avaient frappé.